frappeur ne noie pas ton regard. Quand tu vas pisser, ne tire qu'une demi-chasse. Dans tu te brosses, ferme le robinet. Fais-toi plombier et répare tes fuites le soir tard. Non, il ne s'agit pas d'une histoire de fesses, mais d'une histoire d'eau complexe. Tu nages deux eaux qu'on traite et qu'on maltraite au nom d'être devenus des bêtes abjectes. Tout le monde le sait à consommer, beaucoup achètent des bouteilles. Le monde fait, c'est la nature humaine de détruire et polluer. Le mauvais élève que je pointe du doigt et condamnerai. D'abord excessif, puis intensif, l'agriculture tue. Même les abeilles. Les profits à l'écologie, à la vie et à l'entente avec autrui.